Le Parti communiste suisse a fait parvenir un présent au maréchal Kim Jong-un. Le secrétaire général Massimiliano Ayi, chef de la délégation du Parti communiste suisse en visite en Corée, l'a remis le 9 courant à Lee Soo-young, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti travail de Corée.